Chapitre 39e. En un instant, les hôtes de Pontcarlé furent à cheval, chacun prenant en croupe l'un des domestiques de la maison, et l'on partit avec toute la vitesse que permettait l'obscurité de la nuit. Des groupes nombreux passaient sur les chemins. On entendait dans toutes les directions appeler au secours. L'incendie s'élargissait à mesure qu'on approchait. Bientôt, les lueurs éclatantes qui s'en dégageaient embrasèrent tout un pan de l'horizon. Quand on arriva, le village tout entier était en flammes. Le feu pétillait parmi les toits de chaume et sortait en tourbillon au milieu des granges. Des ombres noires, éclairées tout à coup par un jet de lumière, s'agitaient partout et des bruits terribles accompagnaient la marche furieuse de l'incendie. Des mugissements sortaient des étables où les bestiaux, frappés d'épouvante, restaient immobiles. Çà et là, quelques porcs exaspérés couraient au hasard. Des chevaux passaient en hennissant. Des murailles croulaient par intervalles et les toits s'effondraient en projetant vers le ciel des nuées d'étincelles. Par toutes les issues, des femmes s'échappaient, traînant des enfants à demi nus sur leurs talons ou pliant sous le poids des meubles. Des gendarmes s'efforçaient de maintenir un peu d'ordre et d'organiser des secours. La terreur était au comble. Sur la lisière du village, accueillant les malades et les enfants et se mêlant à tous, on voyait Madame et Mademoiselle de la Morlaix. Autour d'elle, les hôtes de Maine Grise se multipliaient. On parlait de femmes et d'infirmes abandonnées dans des maisons qui menaçaient ruine. On n'osait plus en approcher. Un rempart de feu s'élevait autour de ces demeures. Henri allait se jeter en avant. M. de Bléré le saisit par le bras. « Tu ne cours pas au suicide, au moins » dit-il. « Je ne le chercherai pas, je vous le jure, mais c'est tout. » Et Henri partit comme une flèche. En une seconde, Gilbert fut à côté de lui. « À toi, cette maison ! Il en sort des gémissements. À moi, cette chaumière ! On y entend des cris de détresse !» dit Henri qui lui serra la main, et ils furent dans les flammes en un instant. Bientôt après, ils reparurent, portant entre leurs bras des fardeaux vivants, et cette proie humaine arrachée à l'incendie, ils retournèrent dans le gouffre. M. de Carlepont et M. de Bléré les imitaient. L'un avec toute la fougue d'un père qui ne veut pas survivre si son fils succombe, l'autre avec l'audace et le sang-froid d'un vieux chasseur qui affronte le danger en combinant toutes les chances qu'il a de le vaincre. Animés par cet exemple, des travailleurs sans nombre se mirent à l'œuvre. Ceux-là, armés de haches et de pioches, abattaient des pans de murs et s'efforçaient d'enfermer l'incendie dans un cercle d'où le fléau ne put sortir. D'autres montaient à l'assaut des maisons atteintes et en retiraient tout ce qui pouvait être sauvé. Tous les bras étaient en mouvement. L'enthousiasme du dévouement portait les âmes. Henri et Gilbert se montraient partout, le visage et les mains noircis, les vêtements en lambeaux, toujours alertes, toujours prêts et déployant de nouvelles forces à mesure qu'on approchait du foyer même de l'incendie. En les voyant ainsi braves et résolus, personne ne croyait plus au danger. Dès le premier instant, Mademoiselle de la Morlaix les avait reconnus. Au plus fort de la lutte, Henri passa auprès d'elle, portant sur son épaule un berceau d'où sortaient des vagissements. Léopoldine posa la main sur le bras de sa mère. « Regardez-le » dit-elle. « Ah, pourquoi ?» fit Madame de la Morlaix. Et ses yeux attendris suivirent le jeune homme qui retournait à la bataille. Un instant, immobile à l'écart, Gilbert regarda Léopoldine éclairée en plein par la flamme, puis secouant la tête, il reprit sa course du côté de l'incendie. « Tiens, » dit-il à son ami, « j'ai presque le désir de mourir tout à l'heure, mais en pensant à ce que j'ai sacrifié, l'orgueil a été mon appui. Que d'autres fassent mieux !» Un hasard le poussa de nouveau du côté de Madame de la Morlaix, qu'un groupe de femmes en pleurs entourait. Il déposa au pied de l'une d'elles un enfant évanoui qu'il venait de ravir aux ruines. Madame de la Morlaix l'arrêta tout à coup. « Vous avez le cœur haut et bien placé, monsieur de Lanta, » disait-elle. « Si vous vouliez reprendre votre parole, qu'était-il besoin d'agir comme vous l'avez fait l'autre jour? Une telle femme à votre bras est près de nous. Eh, madame, quand un homme ne veut pas regarder en arrière, il brûle ses vaisseaux. Je l'avais en horreur, cette femme. » Mais j'ai voulu qu'aux yeux du monde une barrière infranchissable s'éleva entre vous et moi. Est-ce que Henri, mon frère, n'aime pas votre fille ? Léopoldine, qui avait tout entendu, lui tendit la main. Ah, vous serez mon ami toujours, dit-elle. Il s'en empara, y colla ses lèvres et disparut, cherchant Henri. Quand il l'eut découvert, lui frappant sur l'épaule et le visage couvert de larmes, bah, s'écria-t-il, elle m'a dit un mot cruel et bon, ta Léopoldine, un mot qui me fait voir qu'elle t'aime. Et qu'elle ne sera jamais un autre. Au point du jour, l'incendie cessa faute d'aliments. On ne voyait plus debout que quelques pans de murailles noircies, çà et là une maison à demi consumée qui fumait, et à l'extrémité du village, presque dans la campagne, des chaumières en petit nombre, dont la toiture seule avait été touchée. Des arbres calcinés dressaient leurs troncs noirs dans les enclos dévastés. Partout des ustensiles épars, les pigeons voletaient au hasard en quête du colombier. L'église et le clocher étaient en ruine. Des décombres, chauds encore, remplissaient la rue. Des vaches et des chèvres erraient le long des étables, d'où montait la fumée. Et partout une population morne marchait à l'aventure, cherchant les débris de ce qui avait été une maison, un toit, un abri. Dans un hangar sauvé par miracle, on avait étendu des matelas et des bottes de paille. Les malades, les vieillards, les enfants étaient couchés dessus. Il en sortait des lamentations et des gémissements. Assises tout alentour, les femmes pleuraient. « Ah ! S'écria Henri, voilà une de ces occasions rares où l'on regrette de n'avoir pas de fortune. Que de misère à secourir, que de larmes à sécher. Et si tu l'avais, cette fortune, qu'en ferais-tu ? » dit M. de Carlepont, dont les yeux étincelaient d'orgueil et de contentement. « Vous le demandez, vous, qui avez le sentiment de toutes les choses bonnes et utiles ? Ah, je ferais rebâtir ce village tel qu'il était hier. Je rendrai à chacun ce qu'il a perdu. Et bien qu'il soit fait comme tu le désires. Tu es riche, mon enfant. Tu as plus d'or qu'un avare n'en a jamais rêvé. Je puis te le dire. À présent que ton cœur et ton esprit sont assez forts pour porter la fortune. Tel on a connu jadis le duc de Carlepont, tel il est encore. Puise donc dans mes trésors à pleine main, je ne dirai jamais, c'est assez. » Par Dieu, répliqua Gilbert qui lavait ses mains noircies dans l'eau d'une fontaine, nous font le tour du monde en vaisseau de ligne, suivis par des escadres de musiciens. Mais quelques heures après, lorsque tomba cette fièvre nerveuse, qui suit l'excitation produite par la lutte et un déploiement extraordinaire de force, un abattement profond parut sur le visage de Gilbert. « Écoute, » dit-il alors à Henri, « quelque chose me pousse à m'en aller. J'ai peur de revoir Mademoiselle de la Morlaix, et à toute heure dans ces campagnes, je puis la rencontrer. La blessure saigne encore. Je ne veux pas qu'un regret l'envenime. Laisse-moi partir. Tu sauras toujours où je vais, et tu me rejoindras plus tard. » Si les choses ne s'arrangent pas comme tu le désires. Si une fatigue dont je ne m'explique pas les causes me permettait d'agir, je te dirais « Pars, je te suis !» répondit Henri, « mais je suis brisé. Et puis je veux revoir ces lieux qui me l'ont fait mieux connaître. Je veux m'imprégner d'elle. Je veux en outre laisser de mon passage ici un souvenir qui ne s'efface pas. C'est mon désir et mon orgueil de rebâtir ce village que l'on peut apercevoir de la maison noire, que l'on aperçoit aussi de Maine Gris. Je veux m'y appliquer. Et la chose faite, je te rejoindrai. Une femme ne pourra pas voir cette église, ce clocher, toutes ces chaumières relevées, sans penser à moi et se rappeler que je l'aimais. » Monsieur de Bléré, averti du projet de Gilbert, fit préparer une voiture. Au moment d'y monter, un sourire éclaira le visage du fugitif. Le pays était bon, il y avait des loups. Il se jeta dans les bras de Monsieur de Carlepont, et s'en arrachant bientôt, il fit signe au postillon de pousser le cheval. On voyait qu'il étouffait, et qu'il n'était plus maître de lui. Vers la fin de la journée, le malaise dont Henri se plaignait le matin même à Gilbert prit un caractère plus sérieux. Il avait la tête brûlante et des frissons lui parcouraient le corps. La fièvre le saisit tout à coup. Une indéfinissable sensation l'avertit que ce ne serait pas l'affaire d'un jour. Monsieur de Carlepont, inquiet du changement qui se faisait dans sa physionomie et de la couleur sombre de ses yeux, le questionna. « Je suis mal à mon aise. » répondit Henri, c'est probablement le résultat de la nuit que nous venons de passer. Mais quoi qu'il arrive, jurez-moi, ainsi que Monsieur de Bléré, que vous ne révélerez rien à Madame de Cipierre. » Le père hésita. « Je vous en prie, » poursuivit Henri. « Eh bien, je le jure, » dit Monsieur de Carlepont. Au milieu de la nuit, le mal éclata avec une impétuosité qui mit en un instant la vie de Henri en péril. Il était menacé d'un transport au cerveau. Le délire l'avait saisi. Parler, ce serait un meurtre, un assassinat, répétait-il sans cesse. Obtenir Léopoldine à ce prix, jamais. Voici la crise, pensa Monsieur de Bléré. Sans prévenir personne, il expédia une dépêche à la Bigorne pour l'appeler à Pontcarlet. Il savait ce qu'on pouvait espérer de son dévouement. La vaillante fille ne se fit pas attendre. En voyant étendue sur un lit dévasté et dans tout le désordre d'une lutte, dont personne ne pouvait prévoir le résultat, cet enfant qui avait grandi sous ses mains. La Bigorne se mit à genoux et cacha sa tête dans les draps. « Lui, c'est donc lui, » dit-elle. mais bientôt elle se releva, et l'embrassant sur le front. « Non, monsieur le duc, non, reprit-elle, la mort ne sera pas la plus forte. » Monsieur de Carlepont faisait pitié à voir. Il ne quittait pas la chambre de son fils. Pour la première fois, cet homme, qui s'était plié gaiement aux épreuves les plus dures, semblait atteint. Un trouble moral venait en aide à son chagrin et le rendait plus lourd, plus amer. En persévérant dans son silence, était-il bien dans le sentier du juste et du devoir? Fallait-il faire porter à son fils le poids de sa vie passée? La loi de réversibilité allait-elle jusque-là? Il interrogeait sa conscience, il invoquait le souvenir de Philiberte, et les jours se consumaient dans une anxiété pleine de déchirements. Par intervalles, cependant, Henri reprenait possession de lui-même. « Ne parlez pas, ne parlez jamais, » disait-il alors. « Il me faudrait marcher sur un cadavre pour arriver jusqu'à elle. » Puis le délire le saisissait de nouveau. Le père, écrasé, échangeait de muets coups d'œil avec M. de Bléré. Il ne parlait pas et regardait Henri. Tant d'efforts, tant de soins, tant d'amour, et demain peut-être, dit-il une fois en le voyant secoué par la fièvre comme un arbrisseau par le vent. Si le duc de Carlepont éprouvait mille tortures en voyant son fils étendu dans un lit d'où la mort pouvait l'arracher à toute heure, M. de Bléré n'était peut-être pas moins tourmenté. Il avait presque vu naître Henri, il l'avait vu grandir et s'emparer une à une des grandes vertus qui font la parure de l'homme. Il savait qu'en cas de mort prématurée, son vieil ami le lui aurait confié. Et il descendait dans la profondeur de sa conscience pour savoir jusqu'à quel point il devait accepter la solidarité de ce silence auquel la volonté du moribond les condamnait, le duc et lui. Au lieu de dissiper le trouble dans lequel il vivait, cet examen attentif et constant l'augmentait. Avec cette finesse et cette perspicacité dont les malades donnent des témoignages si surprenants, Henri le suivait des yeux sans cesse et l'interrogeait du regard ainsi que son père. C'était en quelque sorte, mais dans un sens moral, le malade qui veillait sur eux. Une absence de quelques minutes l'agitait. Il voulait savoir ce qu'on avait fait, où l'on était allé. Souvent, après les courts instants d'un sommeil fiévreux auquel il succombait, on le voyait se réveiller en sursaut et tout à coup jetant les yeux sur les témoins immobiles de son repos fatigant. « Vous n'avez pas parlé, vous n'avez rien écrit, » disait-il. Monsieur de Carlepont et Monsieur de Bléré secouaient la tête. Il les remerciait d'un sourire et on se taisait. Un matin, cependant, le Breton, mis hors de lui par une crise qui avait tenu la vie du malade en suspens, sauta sur un cheval et courut droit vers la maison noire. Ce qu'il allait dire, ce qu'il allait faire, il ne le savait pas. Une force le poussait et il obéissait à cette force. La mère Angélique de la Pitié était seule. Elle le reçut dans une pièce sombre, éclairée par une étroite fenêtre. On n'y voyait pas d'autre meuble qu'un prie-dieu au-dessous d'un portrait suspendu à la muraille. Du premier regard, M. de Bléré venait de reconnaître le malheureux jeune homme qu'il avait vu mort et tout sanglant dans le ravin de Staweli. C'était devant le prie-dieu et sous ce portrait que vivait la mère Angélique lorsque les devoirs de la charité ne l'entraînaient pas loin de la maison noire. « Que me demandez-vous? Que voulez-vous » dit-elle à M. de Bléré. « Madame, je vous demande la vie d'Henri de Carlepont. Vous la tenez entre vos mains et... » Madame de Cipierre frissonna et montrant le portrait de Paul. « Dans ce lieu, et devant cette image, » s'écria-t-elle en l'interrompant, « vous osez prononcer un tel nom. Et que sont-ils pour moi ces Carlepont en faveur de qui vous implorez ma pitié ?» Un mouvement subit emporta M. de Bléré. « Madame, » reprit-il avec force, « sur mon honneur de gentilhomme et sur ma foi de chrétien, mon ami, mon frère, le duc de Carlepont n'a aucun tort à se reprocher dans cette journée fatale qui a vu la mort de votre fils. Et Dieu ne le rendra pas coupable du sang innocent qui a coulé. » La mère Angélique le regarda. « Ce que vous venez de dire, vous le signeriez » dit-elle. « Ah, je le jure !» s'écria M. de Bléré. Et arrachant d'un carnet une feuille blanche, il écrivit quelques mots qu'il signa. Madame de Cipiel lui arracha des mains et lut lentement les lignes tracées sur le papier. « Il n'est pas responsable du sang innocent qui a coulé, » répéta-t-elle. « Vous le signez. Vous étiez là, et vous êtes un homme d'un grand renom de loyauté. »« Eh bien, venez, ce sont les dames de Maingris qui décideront. » 2 heures après, la mère Angélique de la Pitié, M. de Bléré, se trouvait en présence de Madame de la Morlaix et de sa fille. « Tenez, Louise, lisez, » dit Madame de Cipierre, en tendant le papier à Madame de la Morlaix. Je me dégage entièrement pour qu'il ne soit pas dit que la haine est seule remplie les dernières heures de ma vie. Mais si la chrétienne se soumet, la mère de Paul ne pourra plus embrasser celle qui s'appellera Léopoldine de Carlepont. Et vous ne verrez plus celle qui s'appela Madame de Cipierre. » Madame de la Morlaix parcourut d'un regard troublé le papier qui portait la signature de Monsieur de Bléré. Le papier glissa de ses mains. Elle leva les yeux sur le Breton. « Ah, c'est la vérité !» s'écria-t-il. Madame de Cipierre vit un rayon de joie sur le visage de Léopoldine. « Faut-il, mon enfant, que je te dise adieu ?» reprit-elle. Mademoiselle de la Morlaix hésita. Sa mère, toute tremblante, retenait la mère Angélique par le pan de sa robe. « Vous, nous quitter ? Ne plus vous voir, vous avec qui mes larmes ont si longtemps coulé ? » disait-elle. Léopoldine se souvint tout à coup des confidences que sa mère lui avait faites. Devait-elle reconnaître par l'abandon le dévouement qu'on avait fait voir pour son père ? Elle se jeta entre les bras de Madame de la Morlaix et d'un geste désolé écarta M. de Bléré. « Non, c'est impossible !» dit-elle. Il fit un pas vers elle. « Mademoiselle et Henri » s'écria-t-il. « Ah, si vous voulez que je meure, restez !» reprit-elle. « Vous avez fait votre devoir. Laissez-moi faire le mien. » Madame de Cipierre se pencha vers elle et l'embrassa sur le front. Bientôt après, M. de Bléré reprenait le chemin de Ponquerlé. Il avait l'amour dans l'âme et n'osait pousser son cheval. Il trouva M. de Carlepont qui l'attendait. Tout le monde était inquiet dans la maison. Deux fois Henri l'avait demandé. On avait su que lui répondre. « Ah, je reviens de la maison noire, » dit M. de Bléré. Une anxiété désespérée parut sur le visage pâle de M. de Carlepont. « Rien, toujours rien, » s'écria le Breton. Subitement, la voix d'Henri éclata à leurs oreilles. Ils coururent dans sa chambre et le trouvèrent dans un état d'agitation extraordinaire. « J'ai tout entendu, » leur dit-il, « si vous voulez que je vive en paix. « Laissez cette mère à sa solitude, ne l'importunez plus de moi, et n'ajoutez pas le remords à son désespoir. « Mais cependant c'est à la mort que tu cours, » s'écria le duc, « et sans toi que deviendrai-je ? « Et que m'avez-vous enseigné, mon père ? « Que m'avez-vous appris ? « Mettez-vous en balance les félicités de quelques jours et l'éternel chagrin de les avoir conquises au prix d'un meurtre ? « Non, non, je sais par vous que le devoir austère, le devoir saint, est la seule chose à laquelle il faille tout sacrifier. J'obéis à la voix qui m'a guidé dans les durs sentiers de la vie, et si je m'en vais, mon père, du moins, je m'en irai digne de vous, et digne de celle qui n'est plus. » Le duc courba la tête. « À présent, c'est fini, » dit-il. Mais M. de Bléré le saisit par le bras, et lui montrant le ciel. « Espère encore, » lui dit-il. « Après nous, il y a Dieu. »